C'est Daniel. Daniel, il était venu la semaine dernière donc nous parler du conflit israélo-palestinien. Et il y avait eu énormément de questions sur ce sujet et on n'avait pas pu tout finir. Donc le but de son intervention aujourd'hui, c'est de nous redonner quelques petites précisions par rapport à ce sujet. Répondre aux questions que les gens lui avaient laissées, puisque je rappelle, en fait, toutes les interventions sont enregistrées et vous les retrouvez sur Mixcloud notamment. Donc voilà, si vous pouvez pas venir, en tout cas vous pouvez les écouter chez vous. Et ça aussi, c'est merci à Internet, du coup, pour faire un petit peu le pont avec le débat d'avant. Donc voilà, Daniel, si quand tu veux, assis debout sur la chaise, que voilà. Allez. Comme tu le sens. Sur la chaise. Nuit debout, jour assis. Bonjour. Donc j'étais déjà intervenu la semaine dernière sur en retraçant tout un historique du conflit israélo-palestinien parce que il se trouve que je suis né en Israël et que de par mon militantisme j'ai compris que c'était un état colonial et donc je participe à la campagne BDS qui a suscité des questions sur boycott des investissements, sanctions, donc en gros une stratégie citoyenne d'action. Et donc c'est à ce propos qu'il y avait eu pas mal de questions. Donc je pense que je vais commencer quand même par une introduction. Donc si vous allez sur la page Facebook de Éducation Populaire, Debout Éducation Populaire, vous avez le programme, vous avez le lien vers le site internet, et sur le site internet vous avez tous les topos en audio. Donc vous pourrez rattraper l'historique, quoi. Et là, je voudrais commencer par faire une introduction sur l'importance du conflit israélo-palestinien en France, particulièrement. Et après, je vais parler aussi de diverses expériences de lutte et finir en reprenant les questions qui m'ont été posées la semaine dernière et auxquelles j'avais pas eu le temps de répondre. Donc une date essentielle, c'est de savoir qu'en 1916, à la fin de la Première Guerre mondiale, les accords entre la France et la Grande-Bretagne, les accords Sykes-Picot, ont consisté pour ces deux puissances impériales à se partager le Moyen-Orient et à littéralement inventer des pays dont la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie. Et donc déjà la France avait une importance particulière à cette époque-là. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, ces pays ont accédé à l'indépendance. Concernant le conflit israélo, la Palestine était partagée entre un foyer national juif protégé par la Grande-Bretagne de 1917 à la fin, même si sur la fin, les Palestiniens depuis 1936 avaient fait un énorme mouvement de résistance contre ce qui était une invasion et un remplacement qu'ils pressentaient. Et du coup, la Grande-Bretagne avait restreint le droit à l'immigration des Juifs. Donc, il y avait quand même une hostilité entre les sionistes et la Grande-Bretagne sur la fin. Mais quand même, en 1947, quand cette question est passée à l'ONU, il y a eu un premier vote où le plan de partage n'est pas passé. Et puis ensuite, il y a eu une pression des États-Unis, particulièrement sur un certain nombre de pays, pour que donc l'ONU adopte à la majorité la partition de la Palestine. L'ONU n'a pas respecté sa charte, hein, puisque sa charte était celle du droit à l'autodétermination des peuples, et que les Palestiniens étaient le peuple majoritaire à ce moment-là, et qu'ils n'ont pas eu voix au chapitre. et les sionistes avaient préparé un plan d'expulsion qui s'appelait le plan d'Aled et qui les a amenés sur donc 47 à 49 l'expulsion de 750 000 Palestiniens. Donc puisque je parle spécifiquement de la place de la France là-dedans, il faut savoir que la France soutenait Israël, par exemple en la personne de Léon Blum, qui en fait soutenait Israël avec en vue la pérennisation de l'empire colonial français. Par exemple, les indépendantistes algériens, ils se rassemblaient en Égypte. Et en 1956, quand il y a eu la guerre de Suez, un des objectifs français de la solidarité, de cette participation commune à la guerre avec Israël et l'Angleterre, c'était d'affaiblir Nasser, d'empêcher la nationalisation du canal de Suez, et aussi pour les Français de dégager des indépendantistes algériens d'une base arrière. Et donc il y a ce lien-là qui est lié à l'héritage colonial de la France, en fait. Il y a aussi, de fait, la résolution d'une culpabilité à bon compte. C'est-à-dire que le Vichy a participé à l'extermination des Juifs et la France pensait... il ne savait pas quoi faire de tous ces Juifs qui étaient des réfugiés des camps et qui, pour une bonne part d'entre eux, ne voyaient pas vraiment d'intérêt à venir en Palestine. Hein. Le sionisme n'est devenu majoritaire qu'après l'indépendance d'Israël. Il faut savoir que la majorité des Juifs avant ne voyaient pas l'intérêt de participer à cette entreprise dans le désert guerrière et coloniale. Et donc la France, en soutenant la création d'Israël, peut-être présentait-il cette démarche comme une réparation à l'égard des Juifs victimes de la Shoah, mais en fait, comme c'était une réparation extra-européenne sur le dos des Palestiniens qui n'en étaient en rien responsables, donc c'est une manipulation et une injustice de plus, et un piège pour les Juifs que... d'être soi-disant représenté par un État qui en fait n'existe que par le bon vouloir des grandes puissances. Et il faut savoir aussi, c'est important, que la France a donné l'arme nucléaire à Israël. Toujours, c'est la gauche française qui a eu un rôle là-dedans. Et en fait, je vais faire un petit bond en avant parce que... En 67, il y avait une sympathie en France, y compris de la gauche encore, pour le sionisme. Et au fur et à mesure, avec l'intifada, avec les accords de soi-disant le processus de paix qui consistait en fait à faire venir une autorité palestinienne sans pouvoir indépendant, et donc essentiellement pour faire la police à la place des Israéliens contre les Palestiniens, sans régler les problèmes de fond qui sont les problèmes des réfugiés, les problèmes de l'eau, les problèmes des colonies, les problèmes de la capitale. Donc l'État de Palestine n'a jamais été déclaré. Et donc la France a soutenu ce processus, ce soi-disant processus de paix, y compris jusqu'à son essoufflement total dans les années 90-2000 avec le début de la deuxième intifada. Et en fait, donc ça permet d'arriver à la situation d'aujourd'hui où la France avec le retour à l'OTAN de Sarkozy et le fait que Hollande s'inscrit complètement dans cette filiation, donc la France fait pleinement partie, avec l'Union européenne et les États-Unis, du soutien à Israël. Et ils en sont venus à criminaliser le soutien à la Palestine, notamment quand il y a eu les bombardements de Gaza, il y a, je me rappelle plus trop de l'année, mais c'était il y a 3 ans à peu près, en août. Ils ont interdit les manifestations de solidarité avec la Palestine en les accusant d'être antisémites. C'est clairement ce qu'a dit Valls. Alors que, en l'espèce, ils ont instrumentalisé un épiphénomène où, lors d'une manifestation vers la rue de la Roquette, la Ligue de défense juive, qui est quand même l'extrême droite sioniste en France, tellement radicale qu'elle est interdite en Israël comme des gens absolument infréquentables, mais en France, ils sont littéralement protégés par la police. Et ils ont provoqué la manif de soutien à la Palestine. Ils se sont ensuite reculés, réfugiés devant leur synagogue, la synagogue, parce que pour moi, il y a une différence essentiel à clarifier entre judaïsme et sionisme. On peut être juif et pratiquer la religion juive sans vouloir soutenir cette entreprise. Et donc, y a eu cette provocation, il y a des images qui ont été prises et on a montré dans les médias que les images du service d'ordre de la manifestation pro-palestinienne qui repoussait la Ligue de défense juive, et ça a été instrumentalisé comme quoi la manifestation s'attaquait à une synagogue. Donc, c'était à rue de la Roquette. Et effectivement, à Sarcelles aussi, il y a eu un rassemblement où je connais des gens qui l'ont organisé. Et ces gens se rassemblaient devant le RER pour déclarer leur soutien à la Palestine, un rassemblement pacifique dont ils ont prononcé la dissolution au bout d'une heure. Et après, il y a des bandes qui sont quand même allées attaquer des épiceries juives à Sarcelles. Là, pour le coup, il y a eu quand même des actes antisémites. Mais c'est probable que... Alors, je connais pas à ce point le détail, mais il est très possible que la Ligue de défense juive... je te propose de parler à la fin, parce que là, en fait, le concept ici, c'est je fais pendant 20 minutes une introduction et puis après tout le monde parle, ok? Ok, inscris-toi. D'ailleurs, j'en suis à combien de temps? J'en suis à 10 minutes. Il y a eu clairement une instrumentalisation du conflit et puis on arrive à la criminalisation de la campagne BDS. Donc la campagne BDS, elle est née en 2005. C'est un large regroupement d'associations, de partis, de syndicats palestiniens, la société civile, qui a adopté cette stratégie pour appeler à boycotter, au désinvestissement et aux sanctions internationales de l'État d'Israël. Le boycott, c'est une action individuelle qu'on peut faire chacun dans les supermarchés en repérant dans les codes-barres 974, qui est ce qui vient d'Israël, ou en regardant des listes de produits, en considérant qu'en les achetant, on soutient l'entreprise coloniale économiquement. Le boycott, il peut aussi être collectif. Et dans ce cas-là, il rejoint le désinvestissement avec des campagnes de dénonciation de multinationales, par exemple Veolia, qui a construit le tramway autour de Jérusalem et qui donc est clairement une participation à l'annexion de Jérusalem-Est et au nettoyage ethnique de Jérusalem-Est par la construction de ce tramway. Et donc ça, c'est une campagne qui n'a pas marché, mais il y en a d'autres qui ont marché. Il y a des banques hollandaises qui ont refuser de financer de prêter des fonds à des entreprises israéliennes, et en fait économiquement ça commence à peser et ça fait peur. Donc boycott, désinvestissement, sanctions, c'est par exemple le fait que l'Union européenne a un accord économique privilégié avec Israël dans lequel il y a une clause qui exige le respect des droits de l'homme. Cette clause n'est pas respectée. Et pourtant, le Parlement européen a majoritairement voté pour la suspension de cet accord. Et comme l'Union européenne n'est pas démocratique, cet accord, il a toujours lieu. Donc voilà en gros la campagne BDS. L'expression de la campagne, ça a été par exemple des actions dans des supermarchés. Ou même le simple fait de porter ce t-shirt, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. est aujourd'hui quelque chose qui est interdit. Et voilà, boycott, Israël, apartheid. Récemment, il y a quelques mois, dans une manifestation féministe vers mars, je crois le 9 ou le 10 mars, il y a une camarade qui portait ce t-shirt, et pour le simple fait de porter ce t-shirt, elle s'est fait arrêter dans la manifestation, emmenée au commissariat, il y a eu un rassemblement pour la libérer, ensuite elle a été convoquée, il y a eu un millier de personnes à Saint-Michel en solidarité avec elle. La campagne BDS est criminalisée, mais comme contre l'état d'urgence, on est immédiatement un certain nombre à désobéir et à faire en sorte que ces lois iniques, ces lois iniques ne soient pas appliquées. C'est-à-dire en portant ce t-shirt, je fais en sorte que cette loi ne soit pas appliquée. Voilà. C'est vrai. Donc, la campagne BDS. Et même quand on déclare n'importe quelle manifestation à la préfecture de police, depuis un vœu à la mairie de Paris il y a quelques mois, il y a cinq lignes qui garantissent que, par exemple, pour Nuit Debout, là, on n'a pas le droit de prôner le boycott. Et donc, on désobéit tous là. Et en fait, c'est très grave parce que c'est la simple expression d'une opinion qui est interdite. Ça va très loin. Et je viens de lire là sur un site qui s'appelle Orient 21 qu'ils sont en train de discuter du BDS dans la campagne électorale américaine, états-unienne. Et donc, en fait, ils en arrivent à la conclusion que plus on en parle, plus en fait ça fait de la pub pour le BDS. Parce que le simple fait d'évoquer ça, c'est évoquer les crimes d'Israël. Et donc, ça fait de la pub pour la critique. Donc, ils hésitent encore à... Est-ce qu'ils vont criminaliser BDS aux États-Unis comme ça se passe en France? Il faut constater que la campagne pour la Palestine... Elle rassemble des anti-impérialistes, particulièrement dans les banlieues, des gens qui peuvent se reconnaître dans le traitement post-colonial que la France fait avec les populations qui sont cantonnées dans des endroits de pauvreté et qui subissent des discriminations régulièrement. Donc il n'y a pas d'équivalence, mais il y a une fraternité, enfin une identification qu'ils essaient de combattre, alors que en fait on peut vraiment considérer que se battre pour les droits des Palestiniens c'est quelque chose d'universaliste parce que voilà, c'est une population qui vivait là, qui n'a rien demandé, qui a été expulsée, qui est occupée. Bon, alors t'interviendras après, mais tu répètes des mensonges que même les Israéliens ne disent plus. Allez. Bon, j'ai interviewé des historiens israéliens qui, à l'ouverture des archives, n'ont plus pu continuer à tenir ce genre de discours mensonger et officiel de l'État d'Israël, puisque dans les archives, on voit que il y a eu un nettoyage ethnique et des agressions, des massacres de Palestiniens, une politique de terreur qui, des ordres, aucun ordre écrit, mais des instructions et une préparation qui amène à démontrer que pour se construire le sionisme savait qu'il avait besoin de faire un État alors qu'ils appellent juif et démocratique, mais pour qu'il soit démocratique et juif, donc ça combine un critère ethnique, il faut justement il a fallu et il leur faut encore dégager des Palestiniens. Il en reste 20% en Israël qui ont la nationalité israélienne, mais tant que ça reste une minorité contrôlable, ça va comme caution. Mais en fait, vivre en Israël en ayant pas la religion juive, si, surtout si on refuse de faire le service militaire, mais les Palestiniens, ils en sont a priori exclus, ça amène ensuite à des grandes difficultés dans la vie quotidienne. Il y a plein d'exemples de discrimination qui font que, y compris à l'intérieur du territoire israélien, les conditions de vie ne sont pas équivalentes. Il y a encore à Jaffa des maisons, hein, Jaffa c'est la vieille ville de Tel Aviv, des maisons qui sont expulsées. Hein. J'ai vu une maison, une famille qui a été expulsée 11 fois en 60 ans, à Jaffa. Donc c'est après une question de vocabulaire, pour revenir un peu, et je vais finir sur le BDS. Il y en a qui disaient qu'il faut soutenir le BDS uniquement pour les entreprises qui sont dans les colonies du territoire occupé depuis 67, donc la Cisjordanie. Mais en fait, si on est rigoureux, Israël est une entreprise coloniale de bout en bout. Et Israël est entièrement une colonie, même si c'est en même temps un nationalisme juif qui a été instrumentalisé et mis en place dans des conditions catastrophiques. Mais il y a quand même un gros souci là-dessous. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour parler des enjeux de ce conflit, de l'importance de la solidarité. Même il y a une semaine, il y a une caravane pour BDS à Lyon qui s'est faite en nasser, tout le monde a été au commissariat. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel ils essaient de nous diviser et de décrédibiliser la solidarité internationale. Et ça pose la question, en fait, pour la gauche en France aussi, d'investir la lutte contre le colonialisme. Il y a des grosses divisions à gauche. Par exemple, à Montpellier, dans la campagne BDS, il y a des personnes qui ont posté sur Facebook des propos antisémites par erreur. Ils les ont retirés le lendemain et la Ligue des droits de l'homme les a attaqués en justice. Et se sont retrouvés soutenus par l'extrême droite pro-israélienne en France. Donc ça, c'est dramatique. Ça paralyse aujourd'hui le collectif national de solidarité avec la Palestine en France. Donc ils aiment jouer sur ces divisions et à nous de ne pas y prêter le flanc autant que possible. Donc ça, c'est un aspect. Je voulais aussi, au niveau de la solidarité avec la Palestine, donc moi je défends beaucoup cette activité citoyenne, pacifique, mais très politique, pour qu'est la campagne BDS pour porter ce message. Mais je voulais porter à votre connaissance un texte qu'on a écrit à l'époque où il y a eu un mouvement des indignés en France. Il y a eu les révolutions dans le monde arabe en 2011. Et en 2012, il y a eu à partir du 15 mai, le mouvement des indignés en Espagne. Et très rapidement, il y a eu aussi un mouvement des indignés en France. Et il y a aussi eu un mouvement des indignés en Israël, qui, ça s'appelait le mouvement des tentes, parce qu'ils ont dressé des tentes. Et ça a commencé le 14 juillet, donc ça s'appelait le mouvement J14. Alors c'est un mouvement qui avait quelque chose d'intéressant, dans le sens où ils se battaient pour... l'égalité économique, c'est parti de la cherté des loyers et la pauvreté des Israéliens. Et il y a eu un aspect intéressant dans ce mouvement, c'est que les Arabes israéliens ont participé à ce mouvement, ont été reconnus et ont pu, y compris dans les meetings publics, expliquer la difficulté particulière de leur situation. Mais c'est resté marginal et ce mouvement, en fait, ne voulait pas faire de politique, comme il disait. Et ne voulait pas parler de la résolution du conflit israélo-palestinien pour rester rassembleur. Et ça pose aussi des questions à Nuit Debout sur le fait de, est-ce qu'on est à même de trancher sur ces questions complexes, trancher pour construire une alternative cohérente ou ne pas trancher, garder un certain flou pour rassembler plus de monde. C'est un peu le choix devant lequel ils étaient confrontés et auquel on est aussi confrontés. Mais j'espère que, en tenant des débats comme celui-ci et d'autres sortes d'activités, on arrive Par exemple, on a une fraternité avec le collectif Ni guerre ni état de guerre qui se bat contre la politique étrangère de la France et les bombardements en Syrie. Et donc, on prend position, quoi. Voilà, mais je voulais quand même vous lire la lettre qu'on leur a écrite, si j'arrive à la retrouver tout de suite. Parce que donc, on a fait un vrai processus démocratique sur la place, un peu comme ici, pendant 3 semaines. On était quelques-uns à être revenus, d'être intervenus dans ce mouvement économique en Israël. Et j'y suis allé et je leur ai dit là-bas que c'était pas possible de pas s'occuper des droits des Palestiniens. Ils ont pas répondu. Mais ensuite, il y avait une coordination internationale qui s'est révélée le 15 octobre par une journée internationale d'action. Et en fait, on était plusieurs militants de plusieurs places occupées à penser que ce mouvement en Israël, il pouvait pas être membre de ce mouvement sans réaction de notre part. Et donc, on leur a écrit une lettre. On leur a écrit une lettre. Oh, je galère. Oh là là. Non. Bon, bah écoutez, je vais pas la retrouver. Non, j'ai du mal à me débrouiller avec un Facebook sur le téléphone. Bon. Non, non, les questions et les critiques viennent ensemble. Bon, bah écoutez, puisque ça marche pas, on laisse tomber. Donc si vous voulez que je conclue, comme promis, je vais quand même conclure en essayant de répondre aux questions qu'on m'a posées la dernière fois. Alors, la première question, c'était sur la question du BDS. Quelqu'un me disait, en fait, boycotter, ça marche pas. On regarde, il faisait l'analogie avec l'Irak, où il y a eu un boycott qui a pénalisé le peuple. Et ça a fait augmenter le marché noir. Et donc, il pense que la campagne BDS n'est pas efficace. Donc, je lui réponds à une semaine de distance qu'en Irak, c'était un boycott qui était entrepris par les grandes puissances et qui, effectivement, a rendu le peuple misérable. Et d'ailleurs, c'était un boycott criminel, puisque Madeleine Albright on lui a dit que ça avait tué 1 million de civils en Irak. Et elle a répondu, oui, bah, c'était le prix à payer, elle l'assume. Donc, ça n'a rien à voir avec un boycott citoyen comme maintenant. Après, on peut imaginer que ça affaiblisse l'économie palestinienne et ou israélienne. Mais dans ce cas-là, rien de mieux que d'écouter les Palestiniens qui pensent que c'est la manière d'agir qui est la plus efficace pour faire entendre raison à un État qui a un véritable sentiment d'impunité parce que les grandes puissances le protègent. Donc que faire? Ça, il n'y a pas vraiment... d'autres activités qu'on puisse à part si il y a plein de choses pour rompre le siège de Gaza, on peut aussi y aller en bateau et il y a plein de d'autres types d'activités, mais BDS c'est stratégique, quoi. Après, on m'a posé la question que je semble être contre un État juif. Alors effectivement, je suis contre le fait que l'État d'Israël soit associé la religion ou même l'ethnie à son entité politique, quoi, au fait de, parce que actuellement les Palestiniens des territoires occupés sont sous occupation militaire et les Palestiniens d'Israël ne peuvent pas se reconnaître dans un État juif. Donc pour les habitants de là-bas, il faut un État commun et égalitaire. Donc il considère que ça risque d'amener à l'expulsion des Israéliens. Alors il y a un exemple triste, c'est celui de l'indépendance de l'Algérie, où effectivement les colons ont été chassés, et particulièrement les juifs que la France avait privilégiés en la rattachant au colonialisme français, et c'est une possibilité que ça finisse comme ça. La seule solution pour qu'ils vivent ensemble, c'est que les Israéliens se battent aux côtés des Palestiniens pour un État égalitaire et contre les conséquences actuelles de la politique coloniale. Et en faisant cette solidarité, je pense qu'ils garantissent la possibilité que de pouvoir vivre ensemble, puisqu'ils se battent ensemble pour l'égalité des droits. Mais c'est clair que ça concernera qu'une minorité d'Israéliens. Et que, fondamentalement, Israël ne pourra changer que s'il y est forcé. Pour qu'il y soit forcé, il faut qu'il soit plus soutenu par l'Union européenne et les États-Unis. Et donc ça, c'est notre responsabilité d'agir à ce niveau-là. Et le jour où ça se passera, eh ben effectivement, il faudra rassembler là-bas tous les anticolonialistes. Voilà. Bon, c'est ma réponse à sa question. Et il dit, s'il n'y a plus d'État, quelles garanties les Juifs ont-ils d'être protégés ? Eh ben, je considère qu'aujourd'hui, l'État d'Israël n'est pas une protection des Juifs, mais une menace. Parce que déjà là-bas, ils vivent dans l'insécurité et la paranoïa. Et ensuite, partout dans le monde, ils nous associent et ils suscitent une haine légitime. En entretenant la confusion, y compris les soi-disant représentants de la communauté juive de France, en l'occurrence le CRIF, consistoire représentatif des Israélites en France, proclament leur solidarité indéfectible avec Israël. Au Bataclan, il y a eu des meetings de soutien, des concerts de soutien à l'armée israélienne par les institutions juives représentatives. Et donc ça, c'est absolument honteux et dangereux pour les juifs, voilà, et illégitime. Donc actuellement, le sionisme est une menace en premier lieu pour les Palestiniens, mais aussi pour les juifs. Et la deuxième série de questions venait de quelqu'un qui disait qu'il ne pourrait pas y avoir de solution militaire ou diplomatique, il ne pourrait pas y avoir d'embargo, que le nationalisme arabe ou le nationalisme noir n'étaient pas des solutions et qu'il fallait un programme révolutionnaire qui gagne les travailleurs israéliens, arabes et africains à une alternative commune. Moi, je suis pas en désaccord avec ça. Je peux dire que En Israël, il y a des petites forces judéo-arabes qui protestent contre l'occupation et la colonisation, mais elles restent très minoritaires. En fait, le problème, c'est que Israël, c'est des gens qui sont venus et qui, en tant que juifs, sont privilégiés. Donc, c'est extrêmement improbable d'imaginer une majorité d'Israéliens qui se battraient pour la paix de manière conséquente, c'est-à-dire pour le droit au retour des réfugiés, donc la fin de la majorité démographique juive en Israël-Palestine, et pour le contrôle de l'eau, le retour des réparations, et tout ça, ça leur nuirait, quoi. Donc, a priori, on voit la population israélienne soutenir une droitisation qui confine à la fascisation, et donc le programme révolutionnaire, je suis pour, mais je constate qu'il a moins de portée au sein de la population coloniale qu'au sein de ceux qui résistent au colonialisme, les Palestiniens et tous ceux qui, tout le mouvement de solidarité internationale qui est en fait pour moi dans cette pratique citoyenne une réalisation de cette justice à la mesure de ce qu'on peut faire, quoi. Voilà, je crois que j'en ai fini et on va passer aux questions et aux critiques. Alors, attendez, déjà on va remercier Daniel pour son exposé. Voilà, s'il vous plaît. Ok, alors, normalement c'était monsieur avant. Bonjour, mesdames et messieurs. La police aussi, je vous vois tout à l'heure. Excuse-moi, je peux m'asseoir, ça ne me dérange pas. En même temps, voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont dites intéressantes. Et franchement, il faut avoir le courage de le dire. Il y en a beaucoup qui pensent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que la liberté d'expression s'arrête à Charlie Hebdo, je crois. En fait, c'est surtout ce qui m'a choqué le plus, c'est la LDJ. Des petits gamins que même la police, ils ont peur d'eux, j'ai pas compris. Ils sont interdits aux États-Unis, ils sont interdits en Angleterre, ils ont été interdits en Angleterre, ils sont interdits même chez eux, je vais pas dire chez eux, en Israël. Déjà, c'est choquant. Et nous, Nous, Français, bon, je sais que j'ai le droit de me prendre en français, même si mon apparence, j'ai grandi ici. Et là, le DJ, il relance ce petit gamin, grave, quoi. Des petits gamins qui peuvent frapper des gens. Bon, ils sont connus au marais, voilà, bref. Mais surtout, je pense même, j'ai pas envie de parler beaucoup d'eux, parce que c'est des petits gamins pour moi, ils savent se battre et tout, ils font des kung-fu et tout ça. Bref, on s'en fout d'eux. Bref, après, il y a une chose que je veux dire aussi, c'est que faut pas mélanger les juifs et les sionistes. Parce qu'on croit, il faut savoir aussi des choses, c'est qu'il y a beaucoup de juifs sévérates qui sont mal vus en Israël. Ça, je préfère vous le dire aussi, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Un truc classique, chaque année, c'est le CRIF, quoi, le dîner juif, là. Chaque année, c'est quoi, le dîner du CRIF, là? Ils sont obligés de tous aller, là. Je sais pas, c'est un pèlerinage, je crois, pour les politiques. Et s'ils refusent, je crois que c'est grave pour eux. Voilà. Déjà, il y a ça aussi que je voulais dire, parce que je crois que j'ai 20 minutes, mais je pense pas que je pourrais parler 20 minutes. Voilà, ouais, voilà. Voilà. Après, voilà, on parle de du FN. Mais non, c'est ça que je veux dire, c'est que quand je vais pas dire la communauté juive ou la communauté israélite ou je sais pas comment on appelle, voilà, qu'ils appellent tous contre le FN. Et non, tous contre le FN pour faire gagner l'Estrosi, ça prend quoi ça, je vois ça dans le journal. Voilà, c'est comme si, c'est déjà, je pense que, y aurait, si c'est un musulman, les musulmans qui auraient appelé, déjà, ils n'avaient même pas manifesté, déjà, alors ils appellent, bon, voilà, c'est des communautaristes, on les appelait. Après, c'est quoi, reconstruire? Ah ouais, l'Algérie, il parlait de l'Algérie, non, parce que je veux répondre un peu à ce qu'il disait le monsieur. C'est vrai que l'Algérie, ils étaient bien acceptés après la guerre, ils ont été dégagés de l'Algérie. Et là, il faut dire aussi, dernièrement, de la Tunisie aussi. Bon, ils sont tous réfugiés au Maroc, mais au Maroc, il y a encore un roi, le jour où il va dégager le roi, mais je pense qu'il va dégager dans pas longtemps aussi. Il va dégager là-bas, je pense, je sais pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire, la EDJ, après, le boycott. Le boycott, je suis d'accord avec toi, mais le boycott. Eh, on a essayé de boycotter les Américains. Le boycott, il est valable. Le boycott, il est valable pour une chose. C'est les pays riches qui ils sont capables de boycotter. Nous, on peut pas. Non. Attends, le boycott, le boycott, il est. Je suis d'accord avec le boycott, mais on peut rien faire. Chirac, il n'a pas voulu aller en Irak. On a boycotté le fromage, mais ça n'a rien servi. On n'a pas vu leur retombée économique. Je pense. Voilà. Si, pour les États-Unis, ça vaut beaucoup. Pour l'Iran, ça a bien marché, quoi. Mais, voilà. Faut être riche pour boycotter, quoi. Parce que tout vient d'eux. Après, il y a de la parano, style, on interdit le coca, mais il y a tout qui vient de là-bas, quoi. Et ça. Après, l'autre qui dit que je suis bourré, bon. Si tu veux pas, il y a toujours des infiltrés, bref, ça s'en fout. Et, voilà, quoi. Ah non, parce que, ouais, on m'a coupé le micro aussi, pareil, il n'y a plus de panne, mais bah. Ouais. Une question, ouais. Daniel va te répondre. Ouais. Merci. Merci, c'est bon. Tu peux te réinscrire. Non, mais. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Bon, mais peut-être. Non, chérie, une seconde. Non, parce que j'attends. Je vais juste répondre directement. Bon, alors. Moi, je voudrais que tu nous. Est-ce que c'est le lieu pour que tu nous parles de la Havara, transfert acte 1933? Août 1933, où les Allemands ont autorisé les Juifs riches, allemands, à partir en Palestine avec tous leurs biens, à la condition d'utiliser l'industrie allemande pour peupler, arranger la Palestine. Est-ce que c'est le lieu d'en parler ou pas? Voilà, tu peux nous répondre? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler J'en prends encore une et puis après, ouais. Alors moi, pour moi, Daniel, moi je vais te demander, tout à l'heure tu parlais des indignés. Daniel, s'il te plaît, tout à l'heure tu parlais des indignés. Tu disais en 2012 que c'est les indignés français qui se sont réveillés. Moi, je vais te dire que c'est faux complètement, parce que tout simplement, en 2006, ce qu'on appelle les enfants de Don Quichotte, qui étaient sur le canal Saint-Martin, étaient déjà des indignés qui se sont réveillés. C'était 200 toiles de tente au total. Alors pour moi, 2012, pour moi, n'est pas un réveil des indignés français, mais le réveil des indignés français, même si M. Augustin Legrand s'est permis de ramasser de l'argent sur ces personnes-là entre 2006 et 2009, bah, c'est ainsi, les indignés français sont toujours réveillés. Sauf que, vu qu'on s'est fait prendre une carotte bien correctement par des bourgeois, des bobos, bah, il se passe qu'à ce temps-ci, on est un petit peu moins réveillé parce qu'on a tellement peur du reste, de ce qui va nous arriver qu'à la fin du compte, on ne pourra pas savoir. Alors, juste pour un point technique, donc pour les gens qui veulent parler, parce qu'on a beaucoup de monde, vous levez la main et je vais aller prendre votre prénom et on va faire comme ça. Tu avais un point technique sinon, Seb? Non, mais c'était rapidement une mise au point, comme il y avait des petits malentendus. C'est en fait l'intervenant à 20 minutes, mais l'intervenant est venu nous voir, enfin, a prévu son intervention. Donc si vous voulez intervenir avant 20 minutes, il n'y a pas de souci. Et du coup, maintenant, en fait, là, on ne délimite pas de temps, mais si vous pouvez juste poser une question, amener votre opinion, voilà. C'est juste pour clarifier la situation. Merci. Bon, on peut soutenir 2 minutes les Brésiliens qui sont aussi en prise à un coup d'État de droite contre des corrompus, mais ce qui est en train de se mettre en place est bien pire encore. Donc, pour répondre aux questions dans le sens inverse, d'abord Sébastien, parce que c'est rapide. J'ai utilisé le mot indigné parce que médiatiquement, on a été appelé comme ça. En Espagne, indignados, et puis en France aussi à ce moment-là. Mais c'est vrai que la méthode d'occuper les places, d'occuper l'espace public avec des tentes, il y a eu le mouvement de Don Quichotte en 2006, qui est effectivement... Mais bon, tu vois, les gens, ils sont pas attendus les indignés pour s'indigner, hein. C'est juste un terme, quoi. C'est un mot. Je parlais juste à ce moment-là de ce qui s'est passé. Mais et même c'est vrai que c'est important de parler du droit au logement, parce que y compris là, quand on a lancé Nuit Debout, droit au logement, ils avaient déjà un camp de mal logés. Donc il y a souvent une suite entre ces deux modalités. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Celui qui a parlé en premier. Merci. La LDJ, ouais, c'est des petits gamins qui se battent, mais c'est quand même une idéologie extrêmement violente et politique et qui est très révélateur et honteux qu'il soit à ce point soutenu et il soit dans une impunité. Mais donc j'ai pas vu trop de désaccord entre ce qu'il disait et ce que je disais moi. Ou alors j'ai mal compris, mais il a ensuite parlé du boycott en disant qu'il fallait être riche pour boycotter. Alors je lui réponds deux choses. Non, tout le monde à la pharmacie prend des médicaments de Teva, tout le monde, et Teva il faut pas. Voilà, donc ça concerne tout le monde d'une part. D'autre part, même quand on n'a vraiment pas un rond, participer à des actions de la campagne BDS ne demande pas d'argent. Ça demande juste d'y participer, de relayer et d'informer. Et après, parce qu'en fait, si on arrive à empêcher des multinationales de faire des accords, c'est pas nous directement qui boycottons, on oblige les multinationales à boycotter. Et puis aussi sur la question, il disait que ça pouvait être inefficace. Bah, concernant l'apartheid en Afrique du Sud, c'est une méthode qui a marché parce que ça a permis de mobiliser des mouvements sociaux et des États entiers contre l'Afrique du Sud. Et ça, économiquement, il y a un moment, c'était plus viable. Ils ont été obligés d'en finir avec l'apartheid pour continuer en tant que capitalistes blancs sud-africains. Et ils ont préservé leurs intérêts d'ailleurs. Et même là, pour la campagne BDS d'Israël, il y a des États d'Amérique du Sud qui entièrement boycottent Israël. Donc cette campagne, elle avance et elle a des chances de peser. Alors, pour reprendre la question sur la Avara, effectivement, quand les nazis sont arrivés au pouvoir en janvier 1933, toutes les démocraties occidentales les ont boycottées. Et les premiers, le premier partenaire à avoir rompu cet ostracisme économique, ça a été le foyer sioniste en Palestine. Donc avec cet accord de la Havara, qui est y compris étayé par Tom Segev dans le 7e million. Et donc c'était à peu près ça. Les riches juifs allemands ont eu le droit de partir en Palestine à la condition que leur richesse ne soit pas transférée en argent, mais qu'elle serve à acheter des biens produits par l'industrie nazie. Et donc, les sionistes ont fait ça. Donc quand on dit, encore une fois, que les sionistes sont un rempart face au génocide, bah, au début, ils s'y sont très mal pris, quoi. Hein. Ils étaient même, pour certains des sionistes, admirateurs de Mussolini. Jamais de Hitler, faut pas exagérer quand même. Mais, enfin, je sais rien. Mais en tout cas, à la fin, les sionistes étaient quand même dans l'opposition au nazisme, quoi. Ça a pris quelques années, mais c'est une parenthèse révélatrice, dramatique, mais donc mais dont il faut parler, quoi. Voilà, il y a pu y avoir une collusion entre le sionisme et le nazisme à ses débuts. Et une dernière chose, parce qu'en fait, je regrette de ne pas avoir tout à fait bien répondu à la question de la semaine dernière sur la question de... Parce qu'en gros, la fin du raisonnement de la personne, c'était de dire qu'il faudrait une armée rouge révolutionnaire et que seule, s'il y a une armée qui est là pour l'émancipation des travailleurs et la fin du colonialisme, qu'on arrivera à changer la face du monde. Et bon, je suis d'accord, en fait. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions et... Ouais. T'inquiète pas, le sujet passionne. Oui, bonjour. Et il faut avoir beaucoup de courage pour un peu prendre la position que vous prenez en tant que jeune israélien ou jeune d'origine juive. Je vais simplement rattraper, à mon avis, un petit fait historique en ce qui concerne l'Algérie. Les Juifs et les Européens n'ont pas été mis à la porte par les Algériens. C'était une politique de l'OS dans un but précis de faire peur et créer des tensions par des attentats et tout pour faire peur à cette communauté juive et les Européens d'Algérie de partir. Mais ça n'a jamais été dans la genèse du FLN ou du gouvernement algérien. Il faut être bien précis. Nous voyons bien à travers de ce que vous dites, en fait, il y a un retour extraordinaire de l'impérialisme qui est bâti sur des mythes et des mensonges. Les nouveaux historiens israéliens, il faut aussi là du courage, mais ils n'ont rien découvert. Les Palestiniens historiens et les vrais Palestiniens ne faisaient que raconter la réalité. On a mis plusieurs décennies pour finalement découvrir que ce problème a bien existé. Et ce qui me... Donc on voit bien un deuxième point, le problème de la France. Parce que, savez-vous qu'en France, pendant la période de la guerre d'Algérie, lorsqu'il se trouvait un juif, disons du côté des ultras ou quelque chose comme ça, il arrivait à tuer un Algérien. Pour se mettre en protection, la France s'arrangeait pour qu'il parte en Israël, pour qu'il n'y ait pas une sorte de vengeance. Je veux dire. Ça existait, c'est des faits réels. Vous voyez, avec donc tout ça fait qu'on arrive à une situation non pas simplement de la Palestine. La Palestine est quelque chose de flagrant, mais soutenir les Palestiniens, c'est soutenir n'importe quel des injustices à travers le monde. C'est pas forcément parce que les jeunes de banlieue ou ceux d'origine de ceci, de cela, c'est quelque chose, c'est une décision inique au droit international. Et permettez-moi d'être un petit peu pessimiste quant à l'avenir, quand on voit les États-Unis, les Européens, avec toutes les pressions qu'ils font sur beaucoup d'autres pays pour avoir des décisions à ignorer le simple droit des Palestiniens, et on a en banlieue des gens, des choses qui se pratiquent exactement pareil. Après, on s'étonne pourquoi les jeunes ne se sentent pas dans leur peau, ne sont pas bien. Je crois qu'il faut qu'on aille au-delà à réfléchir dans un moment extrêmement grave où le pouvoir est en train de créer une tension dans cette société. Et ça n'est, il faut vraiment qu'on réfléchisse tous à savoir qu'est-ce qu'on veut, où le pouvoir veut nous amener, peut-être à une guerre civile, or que c'est pas du tout ce que cette société, et en principe la société internationale, cherche. Je vous remercie. Merci. Daniel, tu veux un commentaire, une réponse ? Alors. Alors, pour le prochain intervenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle l'arabe ou pas autour de nous ? D'accord, ok. Parce que monsieur est palestinien, donc il parle un peu français, mais ça sera un mix de français et d'arabe, donc si tu peux... Merci. Ok, on a quelqu'un qui parle. Oui, okay. Tu vas expliquer ce que je vais dire, parce que parler en arabe et pas beaucoup français et tout. Ok, ok. Donc, je vais dire. Salam alaikum, Neskol. Bonjour à tout le monde. Je vois dire comment Palestine شعامله في ouais. Je vois نحب نقول كيفاش فلسطين عامله في سوف جبتي اسرائيل شعامله في فلسطين عامله حكايات كبيره والعباد مش عارفه كيفاش. Bon, les Palestiniens vont pas bien avec les Israélites. Ben, ils font des terreurs aux Palestiniens, ils font la mal, ils ne laissent pas travailler, ils ne laissent pas manger, ils ne laissent pas bouger, ils sont enfermés. Oui, toutes les gens ne connaissent pas ce qu'ils font, ils font la merde. Oui, et tout le monde ne connaît rien ce qu'ils font les Israélites, parce que il y a la guerre d'information, et toujours, c'est la diffamation. وعاملين مش مخليهم يخدموا وحرب بارتو يسمى العباد معنا كل عارفينهم يسمى معناتها جايين عمل فلسطين وبالكلمة جايين عمل فلسطين وجايين أكثر عمل إسرائيل باغسك إسرائيل عباد كفار جهلة سي سا لو بروبليم ils disent que les juifs sont même eux sont pas dans la même route. Il y a des orthodoxes et il y a des gens normaux. Les orthodoxes un peu prennent soin des Palestiniens, mais les autres sont contre à 100% et ne laissent pas leur travail et ne laissent rien. On aime dire une chose autre, les Algériens sont en train de faire la Palestine parce qu'ils sont des gens, les Douanes et les Mizara sont des gens qui sont en train de والجويف والياس العباد مش حابينهم ما عليكش الجيريا رجالة والتوانسة كذلك والمغاربة كذلك مش حابينهم يوقفوا معهم بيع وكل يوم كل يوم في سوريا أوسي عكبتة سوريا فلسطين كل يوم فما عباد يموتوا وكل يوم فما حرب وكل يوم فما مشاكل والعباد مش حاسين بيهم مش فما ومغسي. Ils disent qu'il y a toujours des Palestiniens qui sont morts et ils ne parlent rien, ni dans les infos, ni dans les radios, ni rien. Mais s'il meurt quelqu'un qui est juif, ben, tout le monde entend en parler. Et ils disent aussi que le Maghreb, ils disent que le Maghreb, il soutient toujours la Palestine, mais les Israélites, ils ne veulent pas. Les Arabes c'est entre eux. ونحب نقول حاجه اخرى راهو التوانسه اللي معناتها ديما يقولوا في جرمانيه عملوا مشكله في فرنسا عملوا مشكله في اي نيبورت كوا ما همش توانسة هداعش هذاك اللي يدعي أنا داعشي مسلم ومسلم وهي حكاية أخرى المسلمين سامحوني في كلمة المسلمين ما يعملش كي مسلم يقتلش المسلم المسلم أخو المسلم سيسا أنا غاب أنا نزل ماكس كل ديزنو إيه مغسيبك وغفاق إلى دي Il a dit que les musulmans ne tuent pas ses frères, ni chrétiens, ni juifs, ni entre eux-mêmes. Ça, c'est pas des musulmans. Les musulmans, dans la religion musulmane, disent que quand tu tues quelqu'un, tu vas en enfer. Soit il est chrétien, juif, non-juif, bouddhiste, n'importe quelle religion, c'est pas ça, c'est anormal. سامحوني في كلمة أخرى بالله تغني غفو سامحوني في كلمة أخرى والله نحب نقول لكم بالله يا قرة يا فرنساوية يا الأوروب كل ما تاخذوش فكرة خايبة على المسلمين أرى المسلمين سماح أرى المسلمين ناس طيبة المسلمين يحبوا الخير للعباد يعاونوا في العباد يعملوا في كل حاجة أما راهو حتى هني في تونس وفي فلسطين وفي سوريا نيبورت كوا راهم يحبوا يشوهوا يحبوا يشوهوا الإسلام والعرب أعمال أوروب أعمال جويف ما كل شيء جويف حق أخرى حاجة أخرى جويف جويف إنسان دزينة تدلمون الجويف كفر هذاكم يخافوش ربي ما يعرفوش من ربي من عبد زمط السلام عليكم أخوة ouais il a dit que les juifs un personne ben avant tout les musulmans ils vivent normal avec les chrétiens sans problème sans difficulté sans arrière-pensée sans rien Mais avec les juifs, c'est difficile, c'est beaucoup difficile. C'est beaucoup difficile. Okay. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Une réaction ? Ouais. C'est vrai que je crois que en palestinien, pour parler des Israéliens, on dit encore Yehoud. Alors que, en fait. Avant Israël, il y avait des musulmans, des chrétiens et des juifs qui vivaient très bien ensemble. Donc en fait, le problème des juifs avec les arabes, il est venu avec Israël. Avant, il n'y a pas de problème en soi entre juifs, arabes et entre juifs, enfin entre arabes, juifs, musulmans et chrétiens. Voilà. Pendant très longtemps, ça s'est mieux passé dans le monde arabe qu'en Europe. Où en Europe, ils étaient discriminés par les chrétiens. Pour les juifs, c'était vraiment dur, globalement. Et là-dessus... Mais aujourd'hui, quand les Palestiniens... c'est intéressant ce qu'il a dit sur le fait qu'il y a des orthodoxes en Israël qui prennent plus soin des Palestiniens. Non, c'est pas vrai ça. C'est ce qu'il a traduit. Bon, mais en gros, les Israéliens ne s'occupent pas des Palestiniens. Ils ne les aident pas vraiment, ils font leur vie. Et après, il y a une minorité très petite d'Israéliens laïcs. Et il y a aussi une minorité moins petite, peut-être, de juifs orthodoxes très religieux qui sont aussi contre Israël parce qu'ils pensent que le judaïsme parle du retour à la terre promise seulement le jour où arrivera le Messie. Et le Messie n'est pas arrivé. C'est des impies, les sionistes, qui ont mis en place ça. Et donc, il y a des juifs orthodoxes qui reconnaissent pas la légitimité d'Israël d'un point de vue religieux. Voilà. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a aussi un peu en Israël. Quelques-uns, voilà. À Mea Shearim, tout ça. Mais ça reste minoritaire. Parce qu'il y a aussi des juifs religieux sionistes. Voilà. Ils sont majoritaires en Israël. Voilà. Donc ça, c'est un petit point là-dessus. Un point qui rejoint les deux interventions précédentes, c'est la question de la guerre de l'information. Donc face à celle-là, il y a que le fait de construire nos propres médias et nos propres événements qui permet de s'y opposer. Par rapport à ce que le monsieur a dit, c'est vrai que Je ne connais pas précisément la manière dont ça s'est fait en 62 en Algérie. Mais j'avais une amie juive algérienne qui me disait qu'ils avaient dû partir. Mais faut dire aussi que son père, c'était un gendarme français. Donc en fait, quand la France a conquis l'Algérie en 1830, il y avait des juifs depuis très longtemps là-bas. Et ils leur ont fait le décret Crémieux dans les années 1874, je crois, en gros, où ils leur ont donné les mêmes droits qu'aux Français. Et ils les ont dissociés du reste des indigènes qui étaient les musulmans. Et donc ils ont joué l'un contre l'autre. Une bonne partie des juifs étaient bien contents, pragmatiques. Quelques juifs étaient dégoûtés. Et il y a y compris des juifs algériens qui étaient aux côtés de l'indépendance algérienne. Et ceux-là, ils n'ont pas eu de problème à rester. Voilà. Et c'est vrai que fondamentalement, ça ne faisait pas partie du programme du FLN que de. Ils voulaient garder un pays multiconfessionnel et que les gens restent. Ce qu'ils voulaient, c'est être indépendants. Et même, ils avaient un programme d'émancipation économique. Et c'est l'OAS qui a pourri la situation sur des critères ethniques, comme souvent l'extrême droite. Et donc, on en arrive aujourd'hui à des pouvoirs qui veulent nous mener à la guerre civile. Alors, il y a un article intéressant de Michel Warszawski, comme quoi les Palestiniens sont un laboratoire de ce que tout le monde est prêt à subir. Comment on a réussi à maintenir une population dans une domination, dans une dépossession aussi longtemps, les Israéliens ont maintenant une vraie expertise, un vrai savoir-faire à exporter autant idéologiquement pour que leur schéma se pérennise que économiquement pour exporter leur industrie de l'armement. Et ça leur fait un vrai point commun avec la France, qui cette année est passée de 4e à 2e producteur d'armes. Et donc, de la même manière que la France et l'Israël bossaient ensemble dans l'expérience de la contre-insurrection, qui ont soutenu l'Afrique du Sud, qui ont soutenu les révolutions conservatrices en Amérique du Sud, et aujourd'hui encore, on est confronté à ça. Et donc, on fait ce qu'on peut. En attendant, je pense qu'on finira par revenir à des moments révolutionnaires. Des moments révolutionnaires avec, j'espère qu'on va construire des organisations politiques qui préparent ça et que quand la majorité des gens se mettront à faire des grèves et des manifestations vraiment déterminées, on mettra en place une autre logique. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on y arrive. Alors, on a 5 intervenants. On va, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on va essayer de faire le plus concis possible. Je sais que c'est très très difficile, surtout sur un sujet comme celui qu'on traite aujourd'hui. Voilà, donc je vais donner la parole au prochain inscrit. Bonjour. Avant la création de l'État juif, en 1800, la fin de l'État ottoman, les juifs orthodoxes vivaient déjà à Jérusalem. Avec les musulmans, ils travaillaient avec eux, ils mangeaient avec eux, ils faisaient tout avec eux. Depuis la création, l'État juif qui sont séparés. En plus, les orthodoxes, il y en a une poignée, pas beaucoup, qui sont avec des Palestiniens. Et ils attendent le retour du Messie, ça c'est vrai. Et on va aussi. À l'âge d'or de l'islam, en Espagne, les juifs, les musulmans, les chrétiens, ils vivaient tous ensemble. En science, littérature, dans tous les domaines, ils étaient unis pour tout. Mais le problème maintenant, les juifs, ils veulent plus des arabes. Ils s'accusent de tout. Ils disent que c'est aussi Daesh, mais c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas vrai. Daesh, c'est pas vrai. Daesh, c'est créé par les États-Unis. C'est eux qui étaient en Irak. Ils ont entré en Irak. C'est eux qui ont entré en Afghanistan. Ben, c'est eux qui ont fait le 11 septembre. C'est pas les Arabes. Comment trouver un passeport arabe? Ben, la tour tombe et ils trouvent un passeport arabe. Mais c'est quand? Ah. Et c'est ça. C'est à qui ensuite? Mais bon, en gros, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. À toi. Oui, bonjour Daniel. C'est très simple. Un petit mot sur l'historien Shlomo Sand. Shlomo Sand. Ouais, juste un truc quand même. Oui, je sais pas si tu connais Takfir. Takfir, on peut dire que les Daesh c'est des takfirs. Ok, donc les gens qui sont prêts à tuer des musulmans ou d'autres parce qu'ils ne partagent pas la même religion. Donc les extrémistes sont bon. Il y a quand même un petit peu de musulmans là-dedans. Mais c'est des gens qui sont perdus et qui sont instrumentalisés, à mon avis. Ouais, des voyous, ouais. Ouais. Des paumés. Mais c'est clair qu'ils se trompent complètement, ouais. Et que ça n'a rien de représentatif. C'est un gros amalgame facile, quoi. Et d'ailleurs, on peut dire que s'il y a une volonté de guerre civile confessionnelle sur l'assassinat, l'égorgement du prêtre dans l'église, il y a plutôt une bonne réaction en France actuellement, avec beaucoup de solidarité christiano-musulmane. Ça, c'est positif. Par rapport à Shlomo Sand, c'est un historien israélien, israélien qui a fait ses études en France et qui parle français, et qui a écrit un livre important qui s'appelle « Comment le peuple juif a été inventé ». Et en gros, il explique que les juifs, il y a eu un noyau il y a 2000 ans, mais ensuite, il y a eu essentiellement des conversions. Ethniquement, les Ashkénazes viendraient de royaumes khazars en Europe de l'Est. En Tunisie, il y a la reine de... Je vais me tromper. Non, il y a une reine fameuse, la Kaïna. En Algérie. C'est aussi des conversions. En fait, beaucoup de juifs se sont convertis et les juifs, les hébreux en fait, qui sont restés là-bas, a priori sont plutôt convertis à l'islam et leurs héritiers en filiation génétique, c'est les palestiniens d'aujourd'hui. Et en fait, c'est compliqué de parler de peuple juif parce que il y a toujours eu des communautés juives au sein de peuples. Que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Yémen, ils font plutôt partie à chaque fois du peuple dans lequel ils habitent. Et par contre, il y a un peuple israélien, mais le peuple israélien, c'est une construction artificielle. Et lui, il a intérêt à faire vivre l'histoire du peuple juif pour dire qu'ils en sont les représentants. Mais ça, c'est une arnaque. Ça va pour Shlomo Sand, c'est ça? C'est à ton tour, Jérôme. Alors, moi, je voudrais revenir par rapport au gouvernement français, parce que la semaine dernière, tu disais que le gouvernement français soutient carrément les sionistes. Et on peut voir sur YouTube des vidéos de Valls qui soutient la Palestine en 2008. Il est en train de planter un arbre pour la Palestine et il fait un petit discours sympathique. Et bizarrement, quelques années plus tard, on le voit au congrès du CRIF, je crois bien, en train de soutenir les juifs, sionistes, bien évidemment. J'aurais voulu savoir, parce qu'ils nous prennent la tête avec les radicalisations très rapides des gens de Daesh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui les attire vers ça, ces gens-là? Pourquoi Enfin, pourquoi ils en arrivent à soutenir ce... Est-ce que c'est juste pour sa popularité ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Valls, je crois fondamentalement que c'est de l'opportunisme et qu'il est prêt à tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On dit que sa femme est, est sioniste et que peut-être elle a contribué. Mais je pense qu'il a fait ce choix, d'une part, parce que ça lui permettait d'être imprésidentiable. Et d'autre part, et c'est pas vraiment une popularité auprès des gens, parce que il est capable d'aller à l'encontre de la majorité de la population. C'est une popularité auprès de la classe dominante française, qui a un intérêt structurel avec Israël, commercialement et politiquement et militairement. Je pense que c'est en fonction de ça que quand il était maire d'Ivry, ça lui semblait payant de défendre les Palestiniens et qu'on voit bien la consistance de ses engagements après quoi. Mais il peut y avoir aussi après des conspirationnistes. C'était un truc que je voulais expliciter un peu. Je pense qu'il y a des gens qui surinvestissent le conflit israélo-palestinien. Alors c'est compliqué parce que je pense que c'est un conflit emblématique et central et rare d'avoir un peuple qui depuis 48, donc bientôt 68 ans, est en permanence en résistance contre l'impérialisme. Donc ça c'est exemplaire. Mais en attendant, il ne faut pas croire que les sionistes, parce qu'ils feraient partie du réseau juif, en fait, ce seraient eux qui domineraient le monde et qui tireraient les ficelles, y compris de la classe dirigeante états-unienne ou française. Non, les Français et les États-Uniens, les Américains des États-Unis, ils ont, en tant que classe dirigeante, ils ont des intérêts stratégiques là-dedans. Le jour où ils en auront plus, ils les lâcheront. Il n'y a pas d'affectif là-dedans. Et le conflit israélo-palestinien n'est qu'un des exemples de injustice impérialiste. Il y en a plein d'autres. Et donc voilà. Donc il faut quand même pas mettre ce conflit aussi à la source et à l'origine de tout. Ça devient là une explication qui du coup confine à l'extrême droite. Hein, et l'extrême droite, avec les listes antisionistes de Dieudonné, ils ont ajouté de la confusion à la confusion. Et eux, ce sont des ennemis de la cause palestinienne. Parce que, en amalgamant antisionisme et antisémitisme, ils décrédibilisent le projet des Palestiniens qui est de récupérer leurs terres et d'avoir un pays accueillant, comme n'importe qui. Alors Alain, c'est... Ouais. Ah, non, alors, il y avait un Alain avant, mais Alain, si Alain n'est plus là, c'est à toi. Ah, c'est où ? Ah d'accord. Bah. Alors je voudrais juste parler sur deux points. D'abord sur le conflit israélo-palestinien. Je voudrais juste dire que au début de l'islam, au temps du prophète, la Médina, c'était le cœur de l'islam. C'était de là où restait le prophète et tout l'armée musulmane. Et ils vivaient avec beaucoup de communautés juives là-dedans. Donc, comme maintenant, à chaque fois qu'on veut condamner les Israéliens, on dit que ce qu'ils font est mal, on parle directement de juifs. En disant les juifs, en fait, on fait un amalgame sur tous les juifs du monde. Il y a beaucoup de juifs qui sont contre l'occupation qui augmente tous les jours. Je veux dire, si vous regardez bien toutes les manifestations des Palestiniens, que ce soit en France ou autre, ils ne disent jamais on veut exclure tous les juifs. Ils veulent reprendre leur territoire, mais sans exclure les juifs. Ils veulent toujours vivre en harmonie avec les juifs, parce que un juif, à part quelques différences, est presque pareil qu'un musulman. Je veux dire, dans les pratiques religieuses, dans beaucoup de pratiques religieuses, c'est la même chose. Et deuxième point, je voudrais parler juste de Daesh, de ce qui est maintenant l'actualité à chaque fois qu'il y a une attaque, Daesh revendique. Alors, Je ne sais pas si toutes les attaques ont été faites par Daesh, mais Daesh en prend profit. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une attaque et elle revendique, en fait, ça lui fait de la pub. Ça la rend beaucoup plus crédible. Et en fait, Daesh, au début, elle n'existait pas. Au début, il n'existait pas. Et ils ont dit que Daesh est parti des rebelles syriens. Les rebelles syriens, jusqu'à maintenant, ils sont indépendants. C'est pas Daesh. Daesh, c'est des gens qui prennent des bouts de l'islam et les mettent et les falsifient pour que les gens viennent combattre à leur côté. Et j'ai une question. D'où c'est qu'ils trouvent toutes leurs armes? Je veux dire, ça fait 2 ans presque qu'ils sont là. 2 ans qu'ils combattent tous les jours 5 ennemis en série, 5 parties. D'où c'est qu'ils ont toutes ces armes? Et quand tu regardes leurs vidéos, ils ont des véhicules, des tanks, des armes toutes neuves. Tu peux pas te procurer ça en ce moment en série de l'armée syrienne de Bachar al-Assad. Il en a plus, enfin si il en a, mais ils sont usés, je veux dire. Alors pourquoi, je veux dire, tous les grands fournisseurs d'armes, les États-Unis, la France et tout ça, je veux dire, ça c'est les principaux fournisseurs d'armes. Pourquoi quand il y a une attaque terroriste contre les civils, pourquoi ils la ramènent? Pourquoi les présidents, par exemple Barack Obama ou François Hollande, ils viennent la ramener et dire ouais, on est triste pour eux. Arrêtez de les financer, là vous serez triste pour eux. Je veux dire, c'est pas en tuant des civils qu'on aura moins de morts de civils. Là jusqu'à maintenant, il n'y a que eu des civils dans les deux côtés. Ils bombardent tous les jours des villages où il n'y a que des enfants et des femmes, que des familles, sous prétexte qu'ils vont tuer des terroristes. Bah, un petit village paumé, non stratégique, au fin fond de la Cambrousse, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des terroristes? Et si on regarde tous les reportages, et même les vidéos que les Syriens eux-mêmes postent, par BFM TV, vous verrez qu'il n'y a que des enfants et que des femmes tuées tous les jours. Sous prétexte qu'il y a des terroristes. Mais s'il y a vraiment des terroristes, va les chercher. C'est pas en tuant 1000 personnes que tu vas tuer des terroristes. Voilà. Bon, bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais alors là, j'ai bossé un petit peu le sujet pour aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment un lien entre la question du conflit israélo-palestinien et l'impérialisme de la France depuis longtemps au Moyen-Orient. Et l'importance en France de le dénoncer, nous, notre État et ses agissements. Alors pour revenir sur Daesh, au départ, quand les Américains en 2003, ils ont dégagé Saddam Hussein, ils ont mis en place un pouvoir chiite et ils ont favorisé le confessionnalisme. Et ils ont exclu les sunnites. Ceux-ci se sont à un moment donné soulevés militairement. Donc il y a une base locale aussi. Et c'est pour ça que ça va pas être si facile que ça d'en sortir. Il y a une base locale et par contre, après la révolution syrienne, quand il y a eu un soulèvement populaire en Syrie majoritairement pacifique et démocratique, Bachar el-Assad a libéré beaucoup d'autres islamistes pour se légitimer et montrer à l'Occident qu'il était un rempart par rapport à ça. Et Daesh, par exemple, il y a un soutien avéré de l'Arabie Saoudite qui soutient Daesh là-bas, mais qui empêche Daesh d'exister chez eux, parce que chez eux ça les déstabiliserait. Bon, je te dirai mes sources, c'est un site qui s'appelle Orient 21 et je pense qu'il faut, c'est bien qu'on aille là-dessus, mais laisse-moi finir juste ma phrase quoi, enfin mes 2-3 phrases en fait. La Turquie aussi a une énorme frontière avec Daesh et a laissé passer le pétrole pour que Daesh se finance et des liens que les gens puissent passer, quoi, le mouvement des personnes aussi. Donc la Turquie a soutenu Daesh à un moment donné. Et aujourd'hui, en fait, ma source, c'est un site qui s'appelle Orient 21, que je vous conseille énormément, qui est animé par Alain Grèche et une équipe autour du monde diplomatique, avec des spécialistes de là-bas et d'ici. Et ils disent que, en fait, l'Occident ne peut pas vraiment en finir avec Daesh parce que si Daesh est explosé, ça va encore être ressenti comme une humiliation des sunnites. Et dans la région, ce serait l'Iran qui prendrait du crédit et ça déstabiliserait trop l'Arabie saoudite. Donc, on devrait s'attendre à encore une certaine longueur de Daesh, mais maintenu sans expansion, mais dans cet intermédiaire. Enfin, dans l'état actuel, ça peut durer, quoi. Et en fait, ça durera jusqu'à ce que les peuples soient capables de proposer autre chose et de l'imposer, de se mettre d'accord sur autre chose et de l'imposer à leurs autorités, que ce soit là-bas ou ici. Et c'est vrai qu'on a affaire à des classes dominantes qui sont prêtes à confessionnaliser la guerre civile pour nous empêcher de les menacer. Donc, stratégiquement, c'est absolument indispensable quand on veut construire une alternative que d'être clair là-dessus. Et c'est une des questions essentielles sur lesquelles il faut être clair pour construire une alternative, quoi. Ouais, je crois que tu avais une réponse directe. Alors, juste, je te laisse faire rapidement et comme ça, on fait le tourner la parole. Juste par rapport à l'implication de l'Arabie Saoudite avec Daesh. Je voudrais juste vous dire quelque chose. En fait, moi, j'ai vécu au Yémen, je suis yéménite, j'ai vécu au Yémen 18 ans. Et là-bas, je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de yéménites en Arabie Saoudite et j'ai vécu aussi en Arabie Saoudite un petit peu. En fait, je voudrais savoir pourquoi, en fait, si vous dites que l'Arabie Saoudite est impliquée en finançant Daesh, pourquoi tous les jours, il y a des dizaines d'avions de la coalition qui sont principalement de l'Arabie Saoudite qui bombardent une ville spécifique que Daesh tient maintenant en Syrie? Je veux dire, c'est pas logique. Mais, et aussi, je veux dire, je sais pas si peut-être quelques parties du gouvernement Arabie Saoudite peut-être financent ça, mais la plupart, et tous les sunnites, que ce soit en Arabie Saoudite, au Yémen ou à Oman ou n'importe où, sont contre Daesh. Et à la base, comme ça, c'est comme tous les autres, c'est comme Al-Qaïda. Maintenant, on n'entend plus parce que c'est devenu Daesh, mais Al-Qaïda, au début, au Yémen, elle n'existait pas. Quand c'est qu'elle a existé? Quand il y a eu des conflits dans le Moyen-Orient et quand les États-Unis ont commencé à envoyer des drones pour soi-disant et des avions pour soi-disant tuer quelques terroristes qui n'étaient pas encore sous le nom de l'Al-Qaïda. Mais quand tu vois là-bas, c'est pas des Arabes en fait. En fait, c'est pas des Arabes qui sont nés là-bas. C'est pas, par exemple, au Yémen, Al-Qaïda, c'est pas des Yéménites. Comme en Syrie, les gens de Daesh, si tu écoutes, par exemple, moi, je connais la langue arabe, je connais les différents dialectes, les mecs qui parlent là-bas, c'est pas des Syriens. Donc, tous les terroristes qui viennent et qui foutent la merde dans n'importe quel pays, ils viennent d'autre part. Et juste une chose, je voudrais juste savoir, Daesh, maintenant, vous avez vu qu'elle fait une grande propagande sur Internet. En Syrie, maintenant, il n'y a plus les réseaux Internet. Il n'y a plus de réseau téléphone, il n'y a plus de réseau Internet. Une question, d'où c'est qu'ils trouvent Internet? Les grands réseaux qui fournissent Internet, c'est quoi? C'est les États-Unis et l'Europe. Donc, faut se poser des questions. Les satellites sont pas gouvernés par les Arabes. Un tout petit point. J'ai jamais dit que la majorité des gens soutenaient Daesh. Hein. Non. De la même manière que les États-Unis ont filé des très bons missiles anti-chars aux talibans. Et puis quand les talibans sont retournés contre eux, ils sont mis à les exploser. Et Al-Qaïda, au début, c'était des camps d'entraînement qui étaient soutenus par les Américains dans la lutte contre les Russes en Afghanistan. Et de la même manière, Daesh a été financé par une partie de la classe dirigeante saoudienne. Et effectivement, aujourd'hui, ils se retournent contre eux. Ils deviennent incontrôlables. Donc, c'est schizophrénique. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas, globalement. Mais ça a été le cas au début. C'est juste ça que j'ai lu, que je répète. Merci. Après ce qui vient d'être dit, ma petite question semblera un peu banale. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait boycotter Teva. Alors, je demande pourquoi. Et aussi, je vais rebondir là-dessus pour demander... Qu'en est-il de l'utilisation abusive en France des médicaments et en particulier des antidépresseurs? Et quelles sont les alternatives au lobby pharmaceutique? Autrement dit, les gens qui fabriquent les médicaments et qui s'engraissent quand même pas mal sur le dos des gens qui achètent les médicaments. Alors comment aller mieux dans ce système qui nous pousse à aller mal et qui ne nous donne pas le bien-être dont toute personne devrait avoir besoin? Quelles sont les alternatives aux médicaments? Mon pape, écoute, c'est devant la lutte. C'est devant la lutte. Je t'en prie, mon pote, réveille-toi. Réveillez-vous. Engagez-vous dans la lutte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous réveiller? Est-ce qu'il faudra encore plus de misère? Est-ce qu'il faudra encore plus de misère? Engagez-vous dans la lutte contre la guerre. Engagez-vous dans la lutte. Luttez, résistez. On peut gagner, soutenons-y, mais on peut gagner. Résistez, luttez. On peut gagner, on n'a rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, on a tout à gagner. Faut lutter, faut résister. Barcelone, c'est un bandit. C'est des traîtres, c'est des bandits. Le pape, il a raison. Il a donné son cul pour le pognon. Hollande, ta connerie, elle ne passera pas. Elle ne va pas passer. Elle ne passera pas, ta connerie. Parce que le pape, il est en lutte. On se laisse pas gouverner par des bandits, filles de pute. Je sais pas si vous êtes rendu compte, c'est plus Hollande qui gouverne, c'est Walls. Je préfère qu'on s'attaque plus à Walls qu'à Hollande, parce qu'il ne sert plus à rien pour Hollande. La vérité, le titre là, pour reconstruire l'Estam de France. Je sais pas si j'avais compris, mais on n'entend plus parler d'Hollande, mais franchement, je préfère avoir Hollande que Walls, je vous dis, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, je pense que pour construire la lutte, c'est bien d'avoir des débats un peu de fond, de s'informer, et pour résister à toutes les armes de la division qui sèment entre nous. Voilà. Mais oui, si vous voulez qu'on passe à l'organisation de manif et tout, il faut s'y remettre. Voilà, à la rentrée. Juste pour répondre sur Teva, Teva parce que c'est une entreprise pharmaceutique israélienne et que on à l'appel de la société civile palestinienne, on soutient le boycott de toute production économique qui vienne de là-bas pour les mettre en difficulté, qu'ils ne puissent plus continuer telle quelle leur activité économique et colonialiste, et qu'ils soient obligés de se remettre en cause parce qu'on les aura asséchés. Voilà. Donc après, il y a une spécialiste là qui va être là dans un quart d'heure sur la question des lobbies pharmaceutiques. Il vaut mieux qu'on en reste à notre débat là qui était sur le conflit israélo-palestinien. Non, c'est aussi un autre sujet important, mais on se bat contre les antidépresseurs en étant sur la place et en construisant l'alternative. Khalil ? Khalil ? Non ? Khalil deux fois ? Khalil trois fois ? Non, mais j'ai personne d'autre sur le tour de parole, mais alors... oui. Point technique ? Oui. Est-ce que tu peux... Daniel, est-ce que tu peux nous dire de quoi Teva est spécialiste ? C'est une question, en fait. Non. C'est une grande entreprise de production de médicaments israélienne. Bonjour. En fait, on m'a dit, il y a une femme, elle m'a dit, le jour où la révolution arrivera, c'est le jour qu'ils attendent de nous vendre des exomines et tout ça, parce que les gens, ils sont endormis, ils endorment avec leur cachet. C'est un peu ça, Teva, c'est des cachetons. On essaye de respecter les gens qui parlent. S'il te plaît, merci. Donc on en était où? Il restait une personne. On a Yves qui va nous faire un pour conclure sur une note un peu plus poétique, voilà, sur un sujet qui l'est pas forcément. Voilà, déjà on va dire merci à Daniel, effectivement, merci. Et Yves va nous faire un poème sur la, enfin nous a fait un poème sur la Palestine. et on va l'écouter. Voilà. Et puis ça tombe bien parce que c'était lui le prochain intervenant. Oui, tu peux le distribuer, effectivement. Tiens, vas-y. Je regardais simplement pour voir. On va vous distribuer le texte. Voilà. Est-ce que le micro fonctionne? Vous m'entendez un petit peu? Voici un poème que je consacre à la Palestine et qui ouvre un recueil que j'ai écrit au jour le jour pendant la dernière offensive contre Gaza. Voilà. C'est un poème qui date du 11 février 2014. Olivier qu'on arrache et qui pleure sa terre, que foule du colon le pain impérial, jusqu'à s'enorgueillir d'un pacte immémorial qu'il en consacrerait comme seul légataire. Terre où ne germe plus qu'une absence de germe, qu'un mur ghetto sillonne en faisant un proscrit et sur son propre sol d'un peuple qu'il meurtrit, mur qui sur son geôlier lui-même se referme. Trop aveugle geôlier, en train pour son malheur, ruinant son idéal qu'il voulait prophétique, par un renversement d'histoire pathétique, opprimé qu'il était de renaître oppresseur. Terre que l'on dépaisse et morcelle et disloque, et qui se rétrécit comme peau de chagrin, à laquelle on promet, mais sans nul lendemain, un état qui n'aurait pour drapeau qu'une loque. Ô terre, dont Gaza forme une plaie béante, où l'habitant, objet d'un blocus inhumain, au gré de l'occupant survit ou meurt de faim, quand il ne subit pas des bombes l'épouvante. Terre exsangue, confin d'une façon soudaine, dans un Proche-Orient à présent dévasté, de remettre à l'honneur, en ayant concocté le traquenard de quelque ultime mise en scène. Terre d'humiliation, terre de résistance, qui n'a pour arme que son courage et son cri, d'hypocrites alliés comme fragile appui de l'occupant nous ont heurté la préséance. Terre de l'Occident, la honte, ô toi qui nommes toutes les lâchetés et tous les abandons, qui des pires conflits allument les brandons, quand la guerre des dieux fait la rage des hommes. Tu portes dans tes flancs ainsi qu'une gésine, pour peu que l'on t'écoute et te respecte enfin, et qu'une juste paix à tes mots mette fin, une fraternité plurielle aux Palestines. Merci. Merci. Tiens, pour toi. J'en ai un déjà. D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez dire autre chose? Oui, je voulais ajouter. Je vous renvoie, si vous le permettez, à ce recueil que j'ai consacré à la question palestinienne pendant Gaza, qui s'intitule, avec le premier vers du poème que je viens de vous lire, « Olivier qu'on arrache et qui pleure sa terre ». Et j'ai tenté, au jour le jour, tous les poèmes sont datés, de tenir une chronique à la fois politique et poétique des événements, y compris dans le moindre détail. À tel point que certains lecteurs ont cru que j'étais à Gaza. Non, j'étais simplement plongé dans toutes les documentations qui me permettaient de suivre au jour le jour cette tragédie. Et en particulier dans les très riches ressources du journal L'Humanité. Voilà. Alors par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'il y aurait l'occasion de faire peut-être, de reprendre une discussion approfondie sur finalement ce que c'est que Daesh. Car la question est plus compliquée que les analyses un peu trop rapides et en survol que l'on entend par-ci par-là. Et en fait, il faut savoir que l'Arabie Saoudite elle-même a été contestée par Daesh au tout début de son existence. Ça, c'est une querelle interconfessionnelle, mais qui a été réanimée par le caractère impérialiste et néocolonial des interventions étrangères. Voilà. Mais il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus, et je laisse. La suite, à qui veut bien répondre? Merci beaucoup. Un mot, voilà, ça sera un mot. Hein. Ça sera le dernier, après on aura la conclusion. Merci. Merci. Je vais vous citer une phrase d'un grand poète palestinien que peut-être vous connaissez, Mahmoud Darwish. Suite au massacre de Sabrella et Shatila en 1982. Et suite à un poème qu'il a fait, ce poème a suscité beaucoup d'indignation. Ça lui a valu quelques mois de prison en Israël. Alors, exactement. Inscrit, je suis arabe, sans nom de famille, je suis mon prénom. Excusez-moi. Je suis mon prénom. Je vis dans un pays, je vis sur une terre où tous nous sommes sur les braises de la colère. Voilà. Merci. Merci. Alors, juste, en fait, on a une personne, du coup, qui va s'exprimer, qui n'est pas forcément d'accord avec ce qui a été dit, donc on va lui laisser la parole dans le respect qu'il a tout à fait le droit. Je vais juste faire un petit point. Donc déjà vous remercier d'être venu participer tout l'après-midi. Donc éducation populaire, on est de 15h à peu près cette heure-ci, donc 18h30 sur la place. Donc on vous donne rendez-vous bien évidemment le week-end prochain, on est là, même si c'est le mois d'août et qu'il y a plus grand monde à Paris, nous on est toujours là. Et puis c'est parti pour donc ce monsieur. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, excusez-moi, ça y est, je viens de retrouver. Je suis vraiment désolé. En parallèle de notre discussion, on a des gens, des Brésiliens qui sont venus. Et toute cette semaine, elle est debout, donc ça va être une semaine consacrée au Brésil. Donc en amont des Jeux Olympiques et de tout ce qui se passe au Brésil. Donc vous pouvez suivre ça dans l'actualité, c'est très très compliqué là-bas. Donc si vous voulez avoir des informations, vous avez une page Facebook Nuit Debout Brésil, ou allez voir nos petits collègues juste à côté une fois qu'on aura fini notre discussion, et ils pourront vous inscrire sur une liste mail, texto, etc. pour vous donner des informations. Voilà, c'est Nuit Debout International, on est un peu partout, Palestine, Brésil, même combat. D'accord, je prends la parole. J'ai pas osé tout à l'heure parce que j'ai encore un fond de timidité très très développé. Mais par rapport à votre discours, comme je vous l'ai dit en aparté il y a quelques secondes, il y a énormément de choses qui m'ont fait sursauter. Et je suis venu vers vous simplement pour évoquer un seul sujet. C'est celui que vous avez présenté concernant les relations quasi idyllique entre les juifs et les musulmans dans les pays arabes. Et vous avez cité, donc il y a des participants qui ont cité la coexistence largement pacifique et bénéfique dans l'histoire entre les musulmans et les juifs. Et vous avez parlé d'Israël et de la Palestine en citant le fait que la coexistence avant l'arrivée d'Israël était, j'utilise le mot que vous n'avez pas utilisé, mais je résume, idyllique, et que vous avez bien précisé aussi qu'en tout état de cause, la situation était largement meilleure pour les juifs dans les pays musulmans que pour les juifs dans les pays chrétiens, et ça c'est vrai, il n'y a pas eu, dans aucun pays musulman, il y a eu les massacres qui ont eu lieu en Allemagne nazie ou en Pologne sous le nazisme, comme il n'y a pas eu les centaines de milliers d'expulsions ou de conversions forcées en Espagne au 15e siècle. Mais néanmoins, comme je vous l'ai rappelé gentiment en aparté, avant qu'il y ait l'État d'Israël, avant la proclamation de l'État d'Israël, il y a eu aussi, et dans des tas de pays arabes, y compris la Palestine, des hostilités contre les Juifs. Et s'agissant de ce qui s'est passé à Hébron. Donc vous le savez, vous êtes comme moi capable de citer l'année, c'est 1929, donc c'est presque 20 ans avant la création d'Israël, où la population juive d'Hébron a été massacrée lors d'un pogrom suite à un appel au meurtre contre les juifs du coin. Voilà, c'est un sujet. Juste une remarque en passant. J'ai une autre remarque que je me permets de faire sur la simplification des relations entre les Israéliens et les Palestiniens. Je vais simplement vous rappeler, mais vous le savez aussi bien que moi, qu'en Israël, aujourd'hui, il y a 20% de la population. Je parle à monsieur, voilà. En Israël, il y a 20% de la population qui est d'origine palestinienne, qui est arabe, palestinienne, qui est soit chrétienne pour une toute petite minorité, soit musulman. Et ces Palestiniens-là vivent en Israël avec un passeport de quel pays ? Avec un passeport israélien. Et ils sont tellement malheureux de vivre en face d'Israéliens que vous les voyez tous les jours aux actualités télévisées prendre des bateaux pneumatiques et se sauver et fuir l'État d'Israël dans lequel ils sont opprimés, dans lequel ils sont victimes d'apartheid et dans lequel ils sont, on leur donne pas à manger, ils sont affamés comme de... Bon, ce qui est, et c'est donc pour résumer, ce que je vous ai dit, c'est vous savez toutes ces choses-là et il est dommage que vous simplifiez le conflit d'une façon tout à fait partisane, ce dont vous avez le droit, mais c'est pas tout à fait la caractéristique de ce que j'appellerais ou de ce qu'on appelait à l'époque de Voltaire un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde les deux côtés. Bon, bien sûr, vous avez choisi de regarder qu'avec un seul œil et de vous cacher l'autre, de n'écouter qu'avec une oreille et de vous cacher l'autre, et c'est dommage d'attiser la haine et de faire monter la mayonnaise, parce que le problème est nettement plus complexe que ce que vous avez l'air de résumer. Et je peux reprendre un certain nombre de points que vous avez exposé, mais bon, je vais me faire un peu incendier parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et surtout à entendre. Je vous remercie. Bon, j'ai tenu à ce que ce monsieur parle parce que déjà, j'aime pas l'idée d'être malhonnête. Et ensuite, parce que sur le fond, il y a des aspects de ce que vous dites que je partage et d'autres que je partage pas. C'est-à-dire que j'ai dit globalement que la situation des juifs dans les pays musulmans était meilleure que dans les pays chrétiens et là-dessus on est d'accord. Mais même avant le sionisme, il y a eu alors je connais pas le détail mais je sais qu'il y a eu des pogroms anti-juifs dans certains pays musulmans à des moments donnés. C'est beaucoup moins, mais ça a aussi existé quoi. Il faut l'admettre quoi et le dire. De deux, pour revenir plus précisément sur ceux de 1929 à Hébron, et il y a déjà eu en 1920 aussi. Donc, mais là en fait, le sionisme est déjà présent en Palestine. On est sous le mandat britannique. Les Britanniques les soutiennent et les encouragent la venue de juifs pour construire le foyer national juif. Et la direction des sionistes, elle a un slogan, c'est « Travail juif, salaire juif ». C'est-à-dire que quand un patron juif embauchait des Palestiniens, par exemple, dans les cultures, la direction sioniste les boycottait en leur disant que c'était des traîtres, qu'il fallait construire une société juive indépendante de la société palestinienne, avec des capitaux juifs, des patrons juifs, des ouvriers juifs, et que ils étaient contre la coexistence, ceux qui dirigeaient. Je dis pas forcément que dans la population, moi mes grands-parents de ma mère sont des juifs allemands qui sont partis d'Allemagne. Et en fait, en allant en Israël, ils étaient conscients qu'ils allaient dans un endroit où la situation était merdique. Mais ils n'avaient pas le choix. Et même si on prend ma famille... c'est que j'ai une grande tante qui était une sioniste convaincue qui dès les années 20 partait d'Allemagne pour aller construire l'idéal juif. Ils y croyaient, ils ont fait les kibbutz et tout. Et aujourd'hui ils sont un peu dépités. J'ai aussi un autre grand-oncle qui lui ne voulait pas aller en Palestine et il a passé son diplôme d'architecte sous l'Allemagne nazie en 1940, il l'a eu. Et après, il a été obligé de partir. Donc, ça, c'est la réalité de la situation avec les choix subjectifs. Mais fondamentalement, même si je tiens à reconnaître tout ça, ça n'obère pas mon analyse comme quoi le sionisme, à vouloir construire une société indépendante à un endroit où il y a d'autres gens, il a attisé la haine. Et que donc, ma position, celle qu'on partage largement ici... C'est pas une position de haine. C'est au contraire réparer les injustices, les reconnaître pour vivre bien ensemble. Je vous ai répondu avec le deuxième point où il y a 20% de la population israélienne qui est arabe, qui est victime d'apartheid selon vous, mais que les gens, ils vivent en Israël, ils sont heureux, et j'ai été là-bas au mois de juin, et je les vois, et je pense que si vous allez les questionner, et vous êtes probablement allé les voir, vous en avez une infime minorité qui voudrait vivre sous un régime palestinien face à un régime israélien s'ils avaient le choix. Je lui réponds juste là-dessus. Oui, voilà, nous sommes dans un cas tout à fait typique où en fait, à entendre monsieur, c'est presque les Palestiniens sont les agresseurs. Ils vivent très bien en Israël. Alors pourquoi il y a tant de conflits, monsieur? Pourquoi il y a des milliers de morts à chaque fois quand ça prend l'idée d'Israël? Pour des raisons, ceci, cela, on envoie des milliers de bombes où il y a 2000 morts pour 10 Israéliens. Arrêtez de raconter n'importe quoi, vous n'êtes pas objectif. Quant à ces histoires de pogroms, je vais vous citer récemment, il n'y a pas longtemps, à la guerre d'Algérie, 1956. Ça n'a aucun rapport avec les événements de l'Algérie. Simplement, une communauté juive a fait un génocide à Annaba, 1956, où on ouvrait les personnes à coups de couteau, comme ça, entièrement. Des centaines de victimes. La France n'en a pas parlé, ni la presse. Voilà. Est-ce que les Algériens vont dire, est-ce que nous avons eu des pogroms? Quand plusieurs communautés vivent ensemble, il arrive quelquefois qu'ils ne s'entendent pas, qu'il y ait des événements. Mais là, vouloir renverser les choses et dire que les patients, ils n'ont pas la même égalité, même s'ils ont un passeport israélien. Vous racontez n'importe quoi, je suis désolé. Il faut quand même être raison gardée, ne pas raconter n'importe quoi. Voilà. Ok. Merci. Alors, on va pas vous refaire le débat. On en a déjà beaucoup parlé, donc monsieur s'est exprimé. Voilà, c'était important qu'il y ait d'autres points de vue qui s'expriment. Après, c'est le jeu, on n'est pas forcément tous d'accord. Mais c'est aussi ça, entre guillemets, le débat. Donc, merci encore à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir... juste à côté, nos amis du Brésil qui ont aussi une histoire recommandée.